Bonjour Maïlis, à lundi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Votre après-midi continue sur France Culture avec un nouvel et dernier épisode consacré à Maryse Condé dans la compagnie des auteurs. Une émission de Laurent Travagli-Chanal, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Milena Hellig, Coppelia Menardi et Anthony Thomasson. Sa mère a été l'une des premières femmes noires à devenir institutrice et son père a fondé une banque à la Guadeloupe, ce qui a fait que la famille de Maryse Condé appartenait à la petite bourgeoisie de cette île, ni tout à fait dans le monde blanc, ni tout à fait dans le monde noir. Aussi, la question de l'identité a-t-elle été longtemps au cœur de sa vie, même si elle dit aujourd'hui ne plus s'en préoccuper pour s'intéresser plus largement aux problèmes du monde, comme nous l'avons vu lundi, c'était avec Françoise Vergès. Mardi, nous étions en duplex de Washington pour un panorama rapide de son œuvre. Nous avons parlé de certains de ses romans et en particulier de ses goûts, avant d'évoquer son positionnement politique et son rapport à la France. Enfin, hier, Romuald Foncoy et Xavier Luce ont replacé Maryse Condé parmi d'autres écrivains de son temps et aux préoccupations similaires comme Aimé Césaire ou Frantz Fanon. Nous nous sommes également demandé si l'on pouvait considérer ses romans comme appartenant au style du réalisme magique. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer en particulier la question de l'ironie chez Maryse Condé ainsi que sa pièce de théâtre En temps révolution, je suis en compagnie de Christiane McQuard, auteur notamment d'un essai sur Mayotte Capétia, l'auteur du roman Je suis martiniquaise et que Frantz Fanon avait violemment critiqué dans son ouvrage Peau noire, masque blanc. Elle a également écrit sur la romancière, poétesse et dramaturge André Chédid, ainsi que sur Maryse Condé, dont elle est une grande admiratrice. Elle est enfin professeure émérite à la Penn State University aux États-Unis, pays où a également vécu Maryse Condé, qui a enseigné, elle, à l'université Columbia de New York. Il ne faut pas comparer enseigner en France, enseigner en Amérique, la francophonie. Pour un Français, la Guadeloupe, la Martinique, c'est le Club Med. Il croit connaître les Antilles mieux que vous. Il est allé en vacances, il a vu comment on dansait, il a mangé du boudin, donc il connaît. Quand vous venez avec un regard, un discours différent, il n'écoute pas, il ne prend pas au sérieux. Tandis qu'un jeune Américain, n'ayant aucune idée préconçue, écoute ce qu'on dit. Les rapports entre nous, c'est pas seulement enseignant, c'est des rapports affectueux. Et même maintenant où je suis en retraite, je vois mes étudiants devenus enseignants, devenus avocats, devenus n'importe quoi, qui viennent me voir, on reste amis. Maryse Condé dans un extrait du film documentaire qui lui a été consacré par Françoise Vergès et Jérôme Sesquin. Bonjour Christiane McQuard. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos, ironiques d'ailleurs, amusants, qu'on vient d'entendre de Maryse Condé, puisque vous avez été aussi professeur aux États-Unis? Effectivement, aux États-Unis, on est beaucoup plus proche, on passe beaucoup plus de temps individuellement dans les travaux pratiques, etc. Donc on a un rapport tout à fait différent au public estudiantin. On enseigne dans des séminaires de 10, 15, au mieux 20 étudiants. Et on fait absolument ce qu'on veut, on enseigne ce qu'on veut. Donc c'est merveilleux et les étudiants sont là pour vous écouter et pour comprendre. Mais est-ce que vous diriez que les étudiants français comprennent moins finalement les Antilles parce qu'ils auraient des idées préconçues alors que les Américains, étant moins liés d'une certaine façon à cette région du monde, finalement, serait plus disponible pour entendre tout type de discours? Alors, je pense qu'en France, les étudiants qui choisiraient d'étudier les littératures de la Caraïbe seraient intensivement intéressés et motivés. Donc, il n'y aurait pas particulièrement de différence. Je pense que Maryse parlait ou faisait référence aux touristes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au fait qu'on a une image carte postale de la Guadeloupe, qui se perpétue d'ailleurs dans les publicités qu'on peut voir sur les chaînes de télévision. Il y a tant d'îles en elle, etc. Mm-hmm. Ça vous choque, ces publicités ? Ça ne me choque pas, c'est l'industrie du tourisme, il faut que ça tourne. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a la face réelle des îles. Alors on a tendance à dire, Maryse Condé est étudiée dans l'université américaine et pas dans l'université française. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez ? Oui, c'est vrai. Je pense que le sexisme ordinaire a joué. Le sexisme ordinaire, plus que le racisme. C'est-à-dire les deux. Mais comme vous le savez, certains auteurs antillais ont été reconnus en France. Donc je pense que Maryse Condé paye le prix, elle le sait, de sa verdeur de parole. Vous venez d'en passer un échantillon, de sa franchise, de son ironie, de sa façon très carrée de critiquer. Mmh. Elle est extrêmement critique, c'est une femme de très grande culture, et en particulier en histoire de l'Afrique, des Antilles, donc elle est incollable. Mais elle ne s'adresse pas, je dirais, au lecteur lambda. Je ne vais pas dire que Chamoiseau s'adresse au lecteur lambda, mais enfin... Elle est assez lisible aussi, d'une certaine façon, ses romans se lisent très bien, entre guillemets. Absolument, son écriture est transparente, mais le message ne l'est pas toujours. Et c'est là qu'intervient cet esprit de dérision, de critique, de dénonciation, qui lui a valu des ennuis en Afrique dès le départ. Quel type d'ennui ? Elle a été mal comprise et très critiquée parce qu'elle critiquait, parce qu'elle mettait en cause dans ses autobiographies le droit de cuissage, la puissance sexuelle qui est liée à la puissance politique en Afrique, la corruption, etc. Donc elle s'est faite mal voir en Afrique. Et puis, de même, aux Antilles, critiquant la Guadeloupe, les petites gens, la méchanceté. Donc, toutes sortes de choses. Elle parle franc, elle parle son comptant et elle paye les conséquences. Ouais. On va revenir sur l'ironie un peu radioactive de Maryse Condé. Mais pour terminer sur le rapport avec les États-Unis, qui est quand même important, comment est-ce qu'elle est perçue là-bas? Est-ce qu'on considère que c'est une écrivaine française? On considère que c'est une écrivaine noire francophone. D'ailleurs, elle a été très bien traduite. Heureusement, ça a beaucoup servi son œuvre aux États-Unis, n'est-ce pas? Tout est traduit en anglais par d'autres et aussi par son grand traducteur et cher époux, Richard Philcox. Donc, cela l'a beaucoup servi. Elle peut être enseignée en études africaines ou afro-américaines, études de la Caraïbe, en anglais. Oui. Donc ça, c'est un atout majeur. Et elle est lue beaucoup aussi dans le grand public ? Alors ça, il faudrait avoir des enquêtes de réception par les spécialistes, mais il est certain qu'elle est très connue dans les milieux africains-américains et de la francophonie. Est-ce que l'enseignement pour elle, ça a été aussi important? Parce qu'elle a beaucoup enseigné à Columbia, à Harvard, à Princeton, dans des très grandes universités, à Berkeley. À Maryland. À Paris aussi, elle a enseigné plutôt dans sa vie. Alors je pense que effectivement, elle prend plaisir à communiquer avec les jeunes adultes. En fin de carrière à Columbia, elle ne faisait plus que des séminaires de doctorants. Et donc là, c'était la gloire et c'était le bonheur. C'est pour ça qu'elle a une nostalgie de New York. Mais elle dit, alors avec son franc-parler habituel, qu'elle est rentrée pour la carte vitale en France. Je ne l'ai pas entendu dire comme ça, mais ça ne m'étonne pas qu'elle le dise. D'ailleurs, elle se dit ou elle discute l'étiquette qu'on veut lui coller de française, écrivain en français, etc. Ça, c'est un sujet tabou un peu. Mmh. We'll be right back. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Maryse Condé avec vous, Christiane Macquart. Alors, vous avez écrit un texte intitulé « Rire, dit-elle, de l'ironie » chez Maryse Condé. On peut le retrouver dans le volume collectif « Maryse Condé, rébellion et transgression » qui a été dirigé par Noël Carruggi aux éditions Cartala. Il date de 2010. Alors, il y a donc chez Maryse Condé un principe d'ironie et vous nous expliquez que c'est là la clé de sa personnalité, mais aussi peut-être la clé de son art du roman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quelle façon ? Alors, je ne sais pas si j'irai aussi loin et dire que c'est la clé. L'une Il y a certainement plusieurs clés. Certainement le sérieux politique, le souci de la véracité politique et surtout de l'éclairage multiple. Sont fondamentaux. C'est-à-dire de l'éclairage multiple. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une vérité claire et simple. La vie n'est pas en noir et blanc, les gens ne sont pas en noir et blanc, il ne faut pas les voir en noir et blanc, il n'y a pas de race. On sait qu'elle a tenu et démontré ce propos. Donc il faut voir le monde en arc-en-ciel plutôt, et la vérité aussi. Il est important d'avoir des éclairages. Mais il reste quand même une idée de la vérité pour Maryse Condé, ou est-ce qu'elle est dans un relativisme total sur tous les sujets ? Non, pas du tout. Non, non. Je pense que ce qu'elle voit comme vérité est la vérité, forcément, comme chacun d'entre nous. Mais je pense qu'elle se fait un devoir de faire le tour de la question et d'étudier sérieusement les problèmes avant de proposer son point de vue qui n'est jamais fixé pour l'éternité, certainement. Donc il y a un relativisme sage et prudent de sa part. Mais je pense que le roman, elle s'en est emparée de diverses façons, de façon plus ou moins sérieuse, surtout les romans africains et les premiers romans de la Caraïbe. Et puis, elle s'est engagée vers une sorte de, non pas de divertissement, mais de jubilation dans la création, dans la narration. Et donc, on est arrivé à quelques romans foisonnants et absolument désopilants par moments. Comme par exemple ? Alors, je vais donner l'exemple des Belles Ténébreuses, qui a en épigraphe un verset du Coran. Ça m'a épouvantée quand j'ai lu ça, parce que je me suis dit, elle va avoir les djihadistes sur le dos. Comment ose-t-elle ? Surtout qu'elle parle beaucoup de terrorisme dans ses livres, y compris dans son dernier livre. Cette épigraphe, c'est comme une invitation au djihad pour aller au paradis. C'est l'éloge du paradis, c'est la sourate sur le paradis. Elle donne la sourate. Donc, c'est de la provocation. Ouais. Et bon, en fait, il y a un personnage qui trouve très bien d'être en prison, parce que comme ça, il a le temps de faire ses 5 prières sans faille, et ça le distrait et ça lui fait l'exercice. Donc vous voyez qu'elle traite un peu par-dessus la jambe toutes sortes de choses que les autres prennent au tragique et au sérieux. Il y a beaucoup de débuts de romans ou d'épigraphes qui sont là pour choquer chez Maryse Condé. Il ne faut pas remonter d'ailleurs beaucoup pour en trouver. Dès son premier roman, Ere Makonon, en 1976, elle avait placé en exergue de son livre une citation de Blaise Pascal : « Je crois volontiers les histoires dont les témoins se font égorger. » Oui, voilà, c'est tout à fait typique de l'humour et de l'ironie, parce que bon, les distinctions ne sont pas toujours radicalement nettes entre les deux, la dérision, la parodie, etc. Ouais. Donc oui, dès le début, elle exerce ce droit de persiflage, ouais, et de mise en cause par l'ironie. Et puis alors, c'est aussi un procédé littéraire peut-être, hein, la manière qu'elle a de choquer dès le départ. Je pense par exemple au premier paragraphe de Moi Tituba, sorcière noire de Salem, où on lit « Abena, ma mère, un marin anglais la viola sur le pont du Christ the King, alors que le navire faisait voile vers la Barbade. C'est de cette agression que je suis né, de cet acte de haine et de mépris. » Oui, je me souviens d'avoir eu la gorge bloquée en essayant de lire ce paragraphe à des étudiants, parce que c'est vraiment le coup de poing dans l'estomac. Et Marie s'est plaint qu'on a lu trop sérieusement Tituba et qu'elle-même s'est beaucoup amusée en inventant certaines situations. Je vais donner comme exemple, lorsque Tituba tire un conte, c'est-à-dire raconte une histoire, au fœtus de Esther Prynz qui est emprisonné pour je ne sais quel crime. Je pense que c'est l'adultère. Donc elle se retrouve en prison et Tituba raconte, tire un conte au fœtus. Bon. Il est évident qu'on ne peut que s'amuser en lisant ce genre de choses. Même chose, les ébats sexuels avec son amant juif par la suite, il y a de quoi amuser la galerie, et c'est bien l'intention. Donc, elle a déclaré, avec raison, surtout ne pas prendre trop au sérieux ce que j'écris. Voir. Donc elle est mal lue, alors? Eh bien, c'est le danger de l'ironie. C'est-à-dire qu'on envoie des signaux très forts, souvent contradictoires, et les gens entendent ce qui les frappe, ce qui retient chacun à son filtre d'écoute ou de lecture. Et donc, on retient ce qui fait le plus mal, peut-être. Et cela génère effectivement des sentiments de rejet et de frustration intense. Alors, elle aime bien ironiser, mais pas sur tout quand même. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'humour n'est pas la bienvenue. Par exemple, elle s'est déclarée contre les caricatures de Mahomet. Je ne le savais pas et j'en suis ravie. Parce que j'aurais pris la même mais dans l'intimité, je ne suis pas Marie Scondé, la même position. Je pense que on ne peut pas rire de tout et n'importe quoi. Donc il y aurait, sur la question de la religion, une limite. Est-ce que cette question de la religion, pour Marie Scondé, elle est particulière, ou cette question de la culture? Ce n'est pas la question de la religion en général. Il s'agit bien des caricatures de Mahomet, c'est-à-dire d'une démarche dont on sait qu'elle va scandaliser la plupart, sinon les 100% des croyants musulmans, tout simplement, puisqu'il est interdit de représenter le prophète et en plus de représenter sous des aspects caricaturaux et comiques, enfin risibles, c'est anathème, effectivement. Alors je vous propose, c'est pas tout à fait en lien avec le sujet de l'ironie, d'écouter un extrait de La Migration des cœurs, parce que on n'a pas suffisamment entendu dans cette série le texte de Marie Scondé, et puis je vais vous demander ensuite de le commenter, Christiane Macquart. Quand je suis montée dans sa chambre, Cathy était debout devant la fenêtre ouverte à deux battants. Sa chemise de nuit était gonflée autour d'elle comme la voile d'un canot qui a pris la mer, et il semblait qu'elle se préparait à prendre son envol. Vers quoi ? J'ai crié, « Cathy, est-ce que vous êtes folle ? Fermez cette fenêtre une fois même !» Vous pensez qu'elle m'a obéi ? Elle est retournée calmement vers son lit trempé, s'est couchée, et moi j'ai dû me battre avec le bois, le vent et la pluie. Le cyclone a ragé toute la nuit. Au matin, les vents sont tombés d'un seul coup et ce fut le silence du beau temps retrouvé. Partout du bleu. Le surlendemain, vers midi, Hubert Gagneur est arrivé. Cela nous a étonnés car nous ne l'attendions pas de si tôt. Dans toute la grande terre, nous raconta-t-il, c'était la désolation. Les trois quarts des maisons de Petit Canal et de Lens-Bertrand s'étaient aplaties comme du caca-bœuf. Au moule, à ce qu'il avait entendu, il ne restait que des tas de feuilles de tôle et de planches de bois. À vrai dire, je n'écoutais guère les paroles qui sortaient de sa bouche. Je regardais ce qu'il tenait serré entre ses jambes. Un enfant de 7 ou 8 ans, sale et repoussant, complètement nu, garçon, et croyez-moi, le sexe bien formé, nègre ou batas indien. Sa peau était noire, mais ses cheveux bouclés s'emmêlaient jusqu'au milieu de son dos. Hubert Gagneur s'aperçut de ma curiosité. « Je viens de le ramasser dans les rasiers et il m'a mordu la main comme une mangouste. C'est sûrement les mauvais esprits cachés dans les vents du cyclone qui l'ont amené de notre côté. » Il me tendit l'horrible créature. « Prends-le, lave-le, habille-le. Essaie de lui donner la mine d'un chrétien. » « Mais où est-ce que nous le mettrons à dormir ?» Il n'y a déjà pas assez de place dans la maison. Mets-le avec Cathy. Je suis sûr qu'elle va l'adorer. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Comment veux-tu ? Razier, tiens. À ce moment, Justin et Cathy sortirent de la maison et se jetèrent sur leur papa. Il leur dit plaisamment : Regardez ce que je vous ai rapporté. Et c'est ainsi que Razier entra à l'Engoulevent par un jour de vent, de terreur et de pluie. La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait de La Migration des Cœurs de Maryse Condé. Qu'est-ce que cet extrait vous inspire, Christiane Macquart? Et d'où vient finalement le plaisir de lecture? Parce qu'on n'en a peut-être pas suffisamment parlé du plaisir de lecture des romans de Maryse Condé. Alors, je suis très contente d'avoir entendu cet extrait. La Migration des Cœurs n'est pas très frais à mon esprit. En ce moment, mais peu importe, on a là un exemple tout à fait caractéristique de la transparence de l'écriture de Maryse Condé, de son style de narration pur, je dirais, épuré. Il se passe des choses, c'est très simple, il n'y a pas de détails superflus. Il y a presque une forme de classicisme. Oui, c'est une écriture transparente, presque blanche, à la Camus. Mmh. Donc, le thème de l'enfant trouvé est fondamental. L'enfant abandonné, l'enfant trouvé, l'enfant exposé, qui est le point de départ de C'est l'année coupée. On va en parler tout à l'heure, je crois comprendre. Donc, oui, voilà une écriture qui peut attirer parce qu'elle raconte. C'est un petit peu... On voit comment se passent les choses. Je vais pas rapprocher de la bande dessinée, mais enfin, elle fait voir. Elle fait voir et elle raconte. Elle adore, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué dans son livre autobiographique « Le cœur a riré, a pleuré, conte vrai de mon enfance », combien le leitmotiv de son plaisir à raconter et inventer, se perdre dans son imagination pour raconter des histoires, c'était son refuge et son bonheur en tant qu'enfant. Elle a continué toute sa vie. Donc là, on vient d'entendre finalement le moment où le petit enfant, qui va devenir le petit Razier, est accueilli dans la famille. C'est l'équivalent de Heathcliff dans le roman. Dans Les Hauts de Hurlevent. D'Emily Brontë. Et vous avez évoqué C'est l'année coupée. Alors là, c'est un autre enfant trouvé, une fille cette fois-ci. Et ça a été inspiré à Maryse Condé par un fait divers tout à fait horrible d'un bébé retrouvé sur un tas d'ordures avec le cou tranché en partie, je crois. Oui, ça fait partie des aberrations, des traces du vaudou, de Dieu sait quoi, sans doute aussi de l'alcoolisme ou des drogues. Est-ce que c'était une offrande, cet enfant ? C'était un rituel de magie, certainement. Donc on expose l'enfant au carrefour, hein, comme toujours. Et Sélanir a été sauvé par un médecin qui passait par là. Par miracle, finalement. Bon, tout est assez... Alors, vous avez peut-être parlé du merveilleux, mais là, il se passe des choses assez merveilleuses aussi. On ne nous demande pas de croire et de prendre pour argent comptant tout ce qui est raconté. Alors, Sélanir est un de ces romans complètement exubérants sur le plan de la narration, qui raconte, qui prend plaisir à raconter. Faire allusion à des problèmes sociologiques, historiques réels, à l'histoire du colonialisme, à toutes sortes de choses, et aux croyances populaires, à la religion, etc. Parce que du coup, ce bébé, quand il grandit, va vouloir se venger. Elle va vivre, voilà, elle va chercher toute sa vie pour suivre le criminel qui l'a effectivement sacrifié de cette façon. Et elle finira par le trouver au risque d'y perdre la vie. En Amérique du Sud, bon, ça fait partie des libertés, avec la vraisemblance que Maryse Condé prend perpétuellement. Oui. Alors, parmi les idées convenues que Maryse Condé n'hésite pas à détruire, il y a le rapport au colorisme. Et dans C'est l'année coupée, c'est présent également. Le colorisme, c'est cette idée qu'il y a aussi du racisme entre gens de couleur en fonction de la teinte, finalement, de la peau. Plus on est pâle, et finalement moins on serait dominé. Donc, elle n'hésite pas finalement à retourner son ironie, y compris envers ses frères noirs de différentes teintes. Disons que personne n'échappe à ces coups de fouet ou de baguette ou d'aiguillon, on va dire. Et effectivement, il n'y a pas de tabou. Sélanir elle-même est une donc était un bébé autant que je me souvienne de teint assez foncé ou noir, n'est-ce pas? Le père qui l'a adopté était un médecin, je crois très clair, très pâle, et je ne pense pas que l'on puisse déceler dans Sélanir Kukupé, ni même dans d'autres textes, une structure, un reflet de la structure sociale. Mais il est certain que l'échelle du mépris, c'est l'expression de Simone Schwarzbart, est toujours en vigueur aux Antilles, en Haïti et un peu partout. Donc voilà, et elle n'a pas de tabou et va se donner la liberté de mettre en boîte, enfin de tourner en ridicule, quelle que soit la couleur des gens. Oui. Donc il faut quand même une certaine capacité de réflexion politique et de distance aussi, sans doute, pour apprécier pleinement l'ironie et, de manière générale, les romans de Maryse Condé. Quel est son lectorat, Christiane Macquart? Qui est-ce qui la lit, selon vous? Excellente question, à laquelle je n'ai pas une réponse simple. Enfin, il est certain que la plupart, je crois que la totalité de ses livres sont sortis en livre de poche, ce qui est déjà l'indicateur principal. Elle est dans toutes les bibliothèques. Bon, cela dit, le français moyen ne la lit pas nécessairement. Vous savez qu'il y a des moteurs de la lecture que sont les grands prix, etc. Et malheureusement, Maryse n'a jamais décroché. Et le grand prix de l'Académie française, non? C'est la grande injustice. Le plus grand prix, c'est-à-dire le Goncourt. Et je l'ai toujours considéré comme novélisable, comme vous en avez parlé avec Françoise Vergès, je crois. Bon, cela n'a pas été fait parce que personne n'a pris en charge cet énorme travail. Il faut des gens de poids pour pousser derrière. Or, Glissant n'a pas eu, Chamoiseau, on ne sait pas s'il l'aura jamais. Voilà, donc je pense que Maryse avait sa place dans cette écurie de novélisables, mais ça n'a pas fonctionné. Oui. Alors, qui la lit ce que vous dites quand même, c'est que il faut un lectorat dont la sensibilité n'est pas endommagée par les films d'horreur, les films prétendus d'action, les thrillers et autres productions industrielles. Ça, vous le dites. Oui. Donc, il y a chez Maryse Condé une façon de ne pas sous-estimer justement son lecteur. Et là aussi, c'est lié à la question de l'ironie, parce que la question de l'ironie, c'est, comme vous le disiez, un rapport de connivence avec le lecteur. Oui, alors elle n'a pas froid aux yeux et la sexualité n'est certainement pas absente de ses livres, mais ce n'est pas quelqu'un qui exploite l'érotisme, pas du tout. De même, elle n'exploite pas l'horreur, le crime, etc., la haine, la colère, tout cela est dans ses livres, mais elle ne s'y attarde pas, elle n'en fait pas son fonds de commerce, on va dire. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'ironie qui consiste à faire entendre le contraire ou du moins autre chose que ce qu'on dit, c'est très dangereux et il s'agit d'être un assez bon lecteur. Le problème, c'est qu'on se prête à être mal entendu. Oui. Alors, vous citez le critique de Libération, Gérard Medal, qui avait dit que si Maryse Condé avait été traduite de l'anglais, elle serait considérée en France comme une grande romancière américaine. Et vous ajoutez même à l'égal de Toni Morrison. Absolument. C'est vrai qu'on on a envie de les comparer parce que toutes les deux parlent de l'esclavage, toutes les deux sont deux écrivaines noires. Est-ce que cette comparaison, elle pourrait convenir d'ailleurs, vous croyez, Absolument. Il n'y a pas chez Toni Morrison cet humour et cette dérision et cette ironie qui sont omniprésents chez Maryse Condé. Mais effectivement, d'abord, Maryse Condé est américaine dans la mesure où elle est guadeloupéenne. Il ne faut pas l'oublier qu'elle appartient de ce fait au continent américain et qu'elle est très à l'aise aux États-Unis. Mais sur l'écriture, sur les romans, est-ce que vous trouvez qu'il y a entre les deux quelque chose de similaire? Petite dose très très bien menée du fantastique, n'est-ce pas? De l'horreur, on trouve ça chez Toni Morrison, effectivement. Il y a des comparaisons. D'ailleurs, je pense qu'il y a des thèses de littérature comparée. Elles doivent bien exister. C'est qu'il y a énormément de critiques sur Maryse Condé. Oui. Il y a certainement des comparaisons avec Toni Morrison. Alors, on va marquer une pause dans cette émission, Christiane Macquard, le temps de retrouver notre habituelle séquence en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec aujourd'hui Grégoire Leménager de l'Obs. Bonjour Grégoire. Bonjour. Vous êtes venu nous parler aujourd'hui de Maryse Condé, car vous avez eu la chance d'aller l'interviewer chez elle, à Gordes, à l'occasion de la sortie de son dernier roman. Elle vous a parlé d'abord de la cuisine, qui est un art dans lequel elle excelle. Oui, j'ai eu la chance d'aller la voir chez elle à Gordes, là, dans cette maison qui est assez isolée. Je me souviens qu'il faisait très chaud. Je me souviens que Emmanuel Macron venait d'être élu président de la République, qu'on ne savait pas encore ce qu'il aurait comme majorité à l'Assemblée. Enfin bon, il y avait beaucoup de conversations là-dessus. Et donc je me suis retrouvé chez cette dame que j'avais lue, que je n'avais jamais rencontrée. Et elle m'a extrêmement bien reçu. On m'avait prévenu qu'elle était fatiguée, qu'elle était malade, qu'elle avait beaucoup de mal à se déplacer. C'est vrai. Et pourtant, elle m'avait fait du navarin avec des patates douces. Ah, donc vous avez même pu goûter à sa cuisine. J'ai goûté à sa cuisine. Ah, c'est extraordinaire. C'était vraiment délicieux. Et elle m'expliquait que la cuisine était la dernière chose qui lui restait. Et elle était vraiment elle était très émouvante, quoi. Elle inventait des recettes de cuisine. Elle disait, bientôt, je ne pourrai plus, je ne peux déjà plus marcher. Bientôt, je ne peux plus écrire, bientôt je ne pourrai sans doute plus parler, mais la cuisine, ça j'y tiens parce que c'est ça qui me maintient en vie. Et on sentait qu'elle avait très envie de rester en vie. Elle vous a parlé aussi de la mort de sa mère qui est très ancienne, et on sent que pour Maryse Condé, c'est une plaie qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Oui, absolument. Mais enfin, de manière générale, on sent c'est une femme qui n'a pas eu une vie très facile et qui a traversé beaucoup de moments extrêmement douloureux. Elle a également perdu son fils. Et la mort de sa mère, du oui. Du sida en 1997. Oui, c'est ça, en 97. Mais sa mère, effectivement, s'est apparue comme ça dans la conversation au moment où elle me racontait cette époque où elle était à Paris toute seule. Donc, vous imaginez, c'est une gamine qui n'avait jamais quitté la Guadeloupe, qui se retrouve à Paris toute seule, décidée à conquérir le monde, parce qu'elle se croit, elle avait beaucoup d'assurance, elle se croyait la personne la plus intelligente du monde, elle voulait rentrer à Normale Sup, et voilà, et elle s'est retrouvée toute seule à Paris, enceinte d'un premier enfant, c'est le moment où sa mère est morte, elle l'a jamais revue, et elle me disait, oui, avoir vécu sans elle a toujours tout gâché, elle n'a jamais connu mes enfants, pas lu un seul de mes livres, j'en parle peu, je n'en parle même jamais. Mais c'est un vide constant et je n'ai jamais pu m'y habituer. Et donc, elle me disait ça 60 ans plus tard, quoi. Enfin, ça semblait extrêmement sincère dans sa bouche. Alors, vous alliez la voir à l'occasion de la parution de son dernier livre, Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana. C'est un livre sur deux jeunes gens, deux frères jumeaux qui commencent d'ailleurs in utero parce que elle a beaucoup expliqué que finalement le seul endroit de bonheur possible sur Terre, c'était dans le ventre d'une mère. Et ces deux enfants vont grandir en étant amoureux l'un de l'autre. C'est comme ça que commence le roman Grégoire Leménager. Oui, c'est ça. C'est une très belle idée qu'elle développe en allant assez loin. Donc c'est un garçon et une fille. Et ils ont été dans une forme de vie fusionnelle pendant 9 mois. Et la vie les sépare. La vie les déchire, la vie leur interdit de se réunir, alors que tous les aimantent. Enfin, ils ont une attirance, y compris physique, l'un pour l'autre, qui est très très forte. Et ils prennent des voies très très différentes. elle suit plutôt le garçon, à vrai dire, hein, qui se retrouve en Afrique, qui se retrouve proche des djihadistes. Enfin, et le roman rejoue qui est sous une forme un peu de réalisme très poétique, comme ça, rejoint des questions d'actualité très brûlantes, notamment celle du terrorisme. C'est ça le sujet du livre, c'est le terrorisme, d'après vous ? Ah, il y a beaucoup de sujets dans ce livre. C'est un livre qui a un côté un peu bavard aussi, qui traite de beaucoup de questions relatives à l'amour, à l'amitié, au sens de la vie, à la politique. Mais effectivement, le terrorisme y tient une place. Et en tout cas, elle me dit que c'était le point de départ. C'est-à-dire qu'elle dit que l'idée de ce livre est née, je la cite, d'un événement passé inaperçu quand il y a eu l'attentat contre Charlie Hebdo. Une policière municipale d'origine martiniquaise a été abattue par un terroriste qui venait du Mali. Pour moi, c'était un effondrement, la fin de la négritude. J'ai pleuré en pensant à cette fille tuée par quelqu'un de sa couleur dans un combat qui ne les concerne ni l'un ni l'autre. Et on voit aussi comment, sur la question du terrorisme, elle revient, elle, avec son utopie, ce qui a été son utopie à elle, qui est l'utopie de Césaire, l'utopie de la négritude, et dont elle est en partie revenue, compte tenu des expériences très dures qu'elle a eues elle-même en Afrique. Pour vous, Grégoire Leménager, est-ce que c'est l'un des très grands écrivains de notre temps, comme on l'entend ici et là, Maryse Condé? Je ne sais pas, je ne suis pas très fort pour établir des hiérarchies comme celle-là, mais en tout cas, c'est une grande conteuse. Enfin, elle a vraiment un talent, et y compris dans ce livre qu'elle n'a pas écrit, mais qu'elle a dicté à son mari, ce qui est quand même très compliqué, enfin, de dicter un livre. Elle sait prendre le lecteur par la main et elle l'emmène où elle veut. Elle incarne les personnages, il y a des passages très, avec pas mal d'humour, et des passages aussi bouleversants, déchirants. Et encore une fois, en réussissant à mixer beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Donc, j'ai pas lu toute son œuvre non plus. J'avais lu Ségou quand j'étais adolescent. J'avais été emporté par ce livre-là. J'ai lu son autobiographie qui a une très très belle autobiographie. Puis elle a une vie incroyable, donc qu'elle raconte très bien. Je sais pas, l'histoire jugera pour dire si c'était un des très grands écrivains de notre temps. Mais en tout cas, c'est une voix importante et qui même dans ses moments de faiblesse physique, parce que physiquement elle est affaublie, c'est une personne et une voix qui dégage une très grande force, très très impressionnante. Enfin, moi, j'ai été vraiment très heureux de cette journée que j'ai passée chez elle. Là, on a beaucoup ri. Il y a eu aussi beaucoup de silence, beaucoup de moments, ouais, très très très bouleversants. Enfin, c'est une belle personne, en tout cas, c'est une grande dame, je crois. Voilà, et on peut retrouver cet article dans les archives de l'Obs sur Internet. Absolument, il est en ligne sur bibliops.com, qui est le site littéraire du Nouvel Obs. Merci beaucoup, Grégoire Leménager. À bientôt. Suite et bientôt fin de cette compagnie des auteurs consacrée à l'écrivaine Maryse Condé. Nous sommes avec Christiane Macquart, professeure émérite à la Pennsylvania State University. Yécric, yécrac. Mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Je vous dis bien le bonsoir, la compagnie. Bonsoir. Moi que vous voyez là devant vous, pareil à un bois que l'on promène dans les rues de la Pointe en temps de carnaval, je ne suis quand même pas un nègre ordinaire. Car c'est ce que vous croyez, hein? Vous vous dites, Cyril n'est pas loin de ses 50 ans, et tout ce qu'il appelle maître sous le soleil, c'est une maison en parpaing. Même pas peinte avec ça. La gouttière cassée et l'eau du toit débordant en floc-floc par grande pluie. Pourtant, laissez-moi vous dire, quand j'avais 20 ans, je me suis sentie fatiguée de cogner aux mornes et aux montagnes de cette miette de terre et j'ai dit « À nous revoir !» Je suis partie pour Marseille. Là, j'ai pris un bateau qui attendait dans le port et me voilà, tanguant, roulant sur la mer jusqu'à Dakar, en Afrique. Je dis bien en Afrique. Et là, qu'est-ce que j'ai vu, mesdames, messieurs ? Pas du tout ce qu'on raconte, des nègres tout nus et qui se mangent les uns les autres, non! Des Mercedes-Benz. Vous connaissez ça, vous? Est-ce qu'il y en a sur les routes de ce pays? Des drapeaux bien à eux, jaunes, rouges, verts. des palais de présidents avec des présidents en queue de pie. Des putains dans la soie et le lamé roucoulant. Tu viens, chérie ? Aïe, papa, je serais bien restée là, moi, en Afrique. Mais les Africains m'ont donné un grand coup de pied au cul en hurlant « Retourne chez toi !» Et je me suis retrouvée ici devant vous pour vous raconter ce conte que quand même j'ai eu le temps d'entendre chez eux. Un jour, l'hyène, le singe et le lion... Un extrait du roman de Marie Scondé, Traversée de la mangrove, lu par Sonia Emmanuel. C'est un roman que vous aimez, Christiane Macquart ? Oui, ce n'est pas un de ceux sur lesquels j'ai travaillé en particulier, mais effectivement, c'est un des plus connus, des plus lus, il me semble. Et on ne le dit pas souvent, mais vous savez qu'elle aime puiser de très loin un fil narratif ou une situation. Dans les littératures anglo-saxonnes, et pour le cas de Traversée de la mangrove, c'est une référence à Tandis que j'agonise de Faulkner, n'est-ce pas ? Il y a des tas d'autres références, mais ça ne va pas très loin. Je crois que je tiens beaucoup à insister là-dessus. Il ne s'agit pas d'une réécriture. On parle de réécriture, c'est complètement faux. Je crois que c'est aussi une technique promotionnelle ou provocatrice aussi, de dire, voilà, j'ai réécrit l'amant de Lady Chatterley avec La Belle Créole ou je ne sais quel autre roman, Léo de Hurlevent, etc. Donc, ça va pas loin du tout. Et c'est un truc promotionnel et provocateur, à Donc, mon avis. C'est une série de témoignages fictifs, évidemment, sur la mort d'un mystérieux personnage, Francis Sanchez, qui est retrouvé mort dans un village de Guadeloupe. Et donc, chacun des témoignages, finalement, donne un point de vue différent. Exactement. Ça illustre cette philosophie de, attention, il n'y a pas de vérité unique, il n'y a pas d'utopie quelconque, il n'y a pas de vérité dernière, et chacun son ressenti, son vécu, son point de vue. Ouais. Alors, on avait promis à nos auditeurs qu'on parlerait un peu de théâtre, même si le théâtre, quand même, c'est pas a priori le plus important pour Marie Scondé. On en a déjà parlé un petit peu mardi. Il y avait cette idée chez elle que si elle a commencé d'abord par écrire du théâtre, c'est parce qu'elle s'y sentait obligée, parce que à l'époque où elle se met à écrire, dans le milieu politique où elle se trouve, c'est mieux vu de faire du théâtre, parce que le théâtre permet un passage plus direct du message politique, enfin en tout cas c'est ce qu'on croit. C'est un médium qui est plus éducatif, finalement, pour les masses. Oui, alors, je ne suis pas convaincue qu'elle ait commencé par le théâtre. Il est certain que ces deux premières grandes pièces, parce qu'il y a les grandes et les petites, sans jugement de valeur, bien entendu. Elle le dit d'ailleurs elle-même. Oui. Sont des pièces, entre guillemets, africaines, ou inspirées par l'Afrique. Donc, je ne pense pas qu'elle a commencé par le théâtre. Dieu nous l'a donné, date de 72, le mort de Massabielle 70. Je crois qu'avant qu'elle publie son premier roman, elle avait fait des essais, en tout cas, qui étaient d'abord au théâtre, mais en effet, ce ne sont pas les pièces qui ont compté. Oui, je pense qu'elle avait l'ambition, effectivement, de suivre le chemin auquel elle est arrivée, en fait, avec En temps révolution, c'est-à-dire la grande pièce, la grande fresque à dimension politique, fondamentalement. Donc c'est la grande pièce de Marie Scondé. C'est la grande pièce, je dois faire l'éloge en trois mots, des deux grandes premières pièces, Mort de Louémi, inspirée de situations et de traditions africaines, qui en sont une dénonciation, en fait, enterrée... les gens vivants, etc. Donc tout ça à revoir. Dieu nous l'a donné aussi. C'est une pièce que j'estime très importante, des relations entre Haïti et la Guadeloupe, ou d'autres îles de la Guadeloupe dans ce cas, n'est-ce pas ? La solidarité qu'il peut y avoir, et aussi les murs, les barrières que les gens éprouvent quand ils veulent pénétrer dans le monde de tabou et de, dans le cas de, il s'agit de l'inceste, hein, dont Dieu nous l'a donné. Donc voilà, il y a toutes sortes de non-dits, de choses qu'il faut briser, et le personnage échoue. Donc ce sont des pièces relativement importantes et qui se lisent très bien. Mais qu'elles apportent de plus ou de différent par rapport au roman? Est-ce qu'il y a des thèmes pour les romans, des thèmes pour les pièces? Pourquoi finalement choisir l'un ou l'autre de ces modes d'expression? Alors, c'est la théorie des existentialistes, n'est-ce pas? On a accès directement à un public quand on passe par le théâtre. Ça, c'est bien joli. Si on va dans des théâtres subventionnés où les pièces ne coûtent pas très cher, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est un peu une illusion. Et puis l'acteur lui-même fait quand même écran entre le texte et le public aussi. C'est-à-dire qu'il l'interprète. Absolument. D'une façon qui n'est pas du tout, ou qui n'est pas forcément la volonté. Tout le monde ne va pas au théâtre, on ne peut pas se permettre d'aller au théâtre où les pièces coûtent 3 ou 4 fois plus cher. Et où on comprend pas toujours nécessairement ce qui se passe quand la pièce est très complexe, ce qui a été. Alors dans le cas d'Antan Révolution, c'était une commande du Conseil de la Guadeloupe et elle s'y est consacrée. C'était à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. C'est ça, 1789, qui est justement l'époque où je l'ai rencontré à Berkeley, où je venais faire une conférence sur le 1789 d'Ariane Mnouchkine et du Théâtre du Soleil. Mmh. Or, elle était en train de terminer son En temps révolution et on n'en a absolument pas parlé. Elle n'a pas pipé mot de ce qu'elle était en train de faire, ce qui est quand même assez amusant rétrospectivement. En revanche, elle a parlé de Mnouchkine parce que c'est pour elle quelqu'un qui a beaucoup compté. C'est un peu... elle a voulu faire quelque chose en miroir de 1789 de Mnouchkine, qui datait déjà de plus de 10 ans, n'est-ce pas, à l'époque. Oui, mais presque 20 ans. C'était quasiment un mentor pour elle, Mnouchkine? Non, elle a pris un modèle. On sait que ça a été une pièce extrêmement connue, n'est-ce pas? Donc elle a repris un petit peu les espaces démultipliés. Elle a repris la juxtaposition de scènes historiques connues, comme la présence de Louis XVI dans son fauteuil qui exprime de l'empathie ou de la sympathie pour les Noirs, c'est très peu connu, encore de la provocation si vous voulez, qui a dû être mal pris. Ouais. Mais elle fait parler le petit peuple, comme le faisait Mnouchkine. Enfin, c'était une création collective, n'oublions pas, comme le faisait le Théâtre du Soleil. Donc oui, ça a été un modèle. Et elle n'en fait pas un secret. Et en même temps, c'était une réponse. C'était, voilà comment nous, de la Guadeloupe, nous avons vécu cette fameuse révolution. Et l'idée, c'est de dire que finalement, la Révolution française, elle ne concerne que les Français de l'Hexagone. Et que peut-être la célébrer partout dans les dom-toms, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, sauf si, effectivement, on fait le travail qu'elle a fait, c'est-à-dire ce qu'elle fait est toujours historiquement très correct, très valable, n'est-ce pas? Donc, ça a été un travail énorme, et elle condense en 2 heures, 2 heures et demie, 15 années de révolution, de 89 à 1802. Donc, c'est énorme comme travail, et très complexe, et... c'est un texte absolument passionnant à étudier qui malheureusement n'a pas été, enfin si, est enfin exhumé grâce à Jean-Michel Martial et sa série de textes quadrilingues que l'on appelle Répertoire de la Caraïbe. Donc grâce à cela, cette pièce est maintenant disponible. Mais sinon, c'était un secret. Même Maryse n'avait pas de copie. Il a fallu que je lui prête la mienne. Alors qu'est-ce que ça raconte finalement de la Révolution française vue de ce qu'étaient alors les colonies? Alors, je vais en revenir un petit peu à mon ironie. C'est un montage de scénettes qui font parler et les personnages historiques et les personnages que Maryse Condé invente, c'est-à-dire les petits peuples, le petit peuple, les esclaves, les mulâtres. On montre une scène de torture, de pimentade, par exemple. On montre un serviteur qui plaint le roi de France parce que il a été décapité, évidemment. Le pauvre monte bravement à l'échafaud. Marie-Antoinette, elle monte bravement à l'échafaud, etc. Donc, on montre l'empathie du petit peuple pour certaines certaines figures. Et on ridiculise d'autres figures comme Victor Hugues, par exemple, qui débarque. On peut rappeler un petit peu qui c'était. Qui Victor Hugues débarque en 1794 avec la guillotine. C'est quelque chose que Alejo Carpentier a fort bien décrit dans Le siècle des Lumières, livre admirable. Donc c'est un révolutionnaire. Il est là pour abolir l'esclavage. C'est l'émissaire de la République. Oui, et l'abolition de l'esclavage vient d'être décrétée. Ça a pris plusieurs mois, évidemment, pour que Victor Hugues arrive avec le décret en main. Et il monte sur une estrade et il se met à se lancer. Il est tellement imbu de sa position de pouvoir, il a la parole, il est grand orateur. Et donc, pour déclarer l'abolition de l'esclavage, il noie de parole l'assistance. Et les gens ne comprennent absolument pas ce qu'il raconte. Mmh. Donc, c'est une scène extrêmement comique. Et finalement, quelqu'un traduit en créole, néglibre, néglibre. Et donc, les gens comprennent que l'esclavage a été. Donc, ça, c'est un des grands moments de cette pièce, mais il y en a d'autres. Elle tourne en dérision, par exemple, ce qui a pu déplaire énormément aussi, la figure de Toussaint Louverture. On a l'habitude, à juste titre, de s'apitoyer sur le sort épouvantable que Bonaparte a réservé à Toussaint Louverture, enlevé et mort de froid et de maladie au fort Joux, dans le Jura. Donc c'est bien connu, tout ça est bien connu, mais elle s'en prend à Toussaint, et elle n'a pas tort, puisqu'on sait que les problèmes des chefs rois et présidents haïtiens, Dessalines, Christophe, etc., ont été de rétablir l'économie, une économie en Haïti, c'est-à-dire de rétablir le travail forcé. Autrement dit, on abolit l'esclavage, mais on veut instaurer le travail forcé. Oui. Ce qui est un grand paradoxe dans l'histoire historique, n'est-ce pas ? Et alors, il y a des anachronismes signifiants, comme par exemple de coiffer les bourreaux avec des cagoules qui sont celles du Ku Klux Klan. Des casques de footballeurs américains. Parfois, je pense que les cagoules du Ku Klux Klan apparaissent, mais il y a aussi ces casques de footballeurs américains qui représentent le pouvoir de l'homme blanc, finalement, à l'ouverture de la pièce. Ouais. Donc c'est un spectacle très très complexe, très très long. Et alors qui n'a été joué que deux fois, c'est deux fois là, en 1989, oui. Dans des circonstances incroyables. Le parce 11 y avait et 12 septembre 1989. Et l'ouragan Hugo. Un mois après l'ouragan Hugo, ça a été presque un miracle qu'ils arrivent à créer ce spectacle qui avait été annoncé. Et qui a été joué à guichet fermé, qui a eu donc un certain succès, mais qui a été aussi mal compris parce que trop complexe, évidemment. Je dois dire que j'ai lu et analysé le texte plusieurs fois, mais c'est devenu un événement un peu mythique parce que ça a été fait au fort Fleur d'Épée de près de Gosier, entre Pointe-à-Pitre et Gosier. À l'endroit même où les résistants avaient renvoyé les Anglais. Donc c'est un site, c'est un fort à la Vauban, oui. Magnifique, un site extraordinaire. Donc rien que ça a fait de cette pièce, avec 70 acteurs et intervenants, un spectacle absolument épique. Ben écoutez, on peut en tous les cas espérer que un jour on pourra voir cette pièce, mais d'ici là, on peut lire ce que vous avez écrit à son sujet. Ben 1 million, allez, il faut entamer la collecte. Merci beaucoup, Christiane Macquart. Crowdfunding, please. Je rappelle que vous avez dirigé en 1996 l'ouvrage Dictionnaire littéraire des femmes de la langue française de Marie de France à Marie Ndiaye, paru chez Cartala. Plus récemment, en 2010, vous avez donc contribué à l'ouvrage Marie Scondé, Rébellion et Transgression, paru aux éditions Cartala, avec donc cet article dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, Rire, dit-elle, de l'ironie chez Marie Scondé. C'est la fin donc de cette semaine consacrée à l'écrivaine guadeloupéenne. Dès lundi, nous serons en voyage à Barcelone exactement, avec une semaine spéciale consacrée aux auteurs de cette ville, les anciens comme les contemporains. Mais tout de suite, c'est le moment, comme chaque jour, de la poésie, et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Semaine de froidure, vanité, carré misère nous conduit à la diversion, à la digression. Non, à la divagation. Hier, à propos de ce poème, nous citions Paul Éluard. Aujourd'hui, c'est Reverdy, Pierre Reverdy, par lequel nous tendons une passerelle aux images de Yves Boudier dans Vanité, carré misère, comme deux images opposées, vanité et carré misère. Paris, Noël, comme un mélange bien frappé de sacré et de profane, un soir dit de la naissance du Christ. Paris, Noël. Il neige sur le Mont Blanc et une grosse cloche sonne dedans. Jusqu'en bas, une procession de gens en noir descend. Les cœurs brûlent à feu couvert. Une ombre immense tourne autour du Sacré-Cœur. C'est Montmartre. La lune forme la tête ronde comme ta figure. Au temps des flammes plus ardentes et de nos jours, chacun a une petite étoile. Elle rampe, la rue est noire et le ciel clair. Un homme seul veille là-haut en longue robe blanche. Le lendemain est un dimanche. On sort de cette maison sans en avoir l'air. On est gai. Un bonheur qui tremble encore est né. Le plus grand champ du monde est à l'envers et des bêtes courent. Elles ne veulent plus voir ce qui s'est passé. L'ancien miracle est dépassé. Au fond de l'ombre où l'on remue, un homme monte tête nue. Le soleil s'appuie sur sa tête. Quand on ne le voit plus, on commence la fête. Minuit. Un homme marche devant et on le suit. La scène est là. Et on entend sur l'eau claquer ses pas. Le reste se passe dans les restaurants de nuit. Quelques mots de François Villon, comme chaque jour. C'est vous clamons, frère, pas n'en devez avoir dédain, puisque nous sommes transis. Et ce, en parallèle, d'Yves Boudier. Sur un papier noirci, une adresse où dormir. La gueule calibrée, blindée, dans la bataille, jour ordinaire, incarcération, punition et rédemption et morale se faire foutre. Sous les planches, nos carcasses de chiffon, les oiseaux cernent une mare d'excrétion où le soleil sombre, définitif. Vanité carré misère, observe le carré de misère des sans-abri. Je me rappelle l'histoire de la France, fille aînée de l'Église. J'aurais fait, Manant, le voyage de Terre Sainte. J'ai dans la tête des routes dans les plaines souabes, des vues de Byzance, des remparts de Solime, le culte de Marie, l'attendrissement sur le crucifié s'éveille en moi parmi mille féeries profanes. Je suis assis, lépreux, sur les peaux cassées, les orties au pied d'un mur rongé par le soleil. Plus tard, reître, j'aurais bivaqué sous les nuits d'Allemagne. Extrait, vous l'avez reconnu, de « Saison en enfer ». Un autre enfer se lit dans les poèmes tziganes de Seija Stojka, Auschwitz et mon manteau. Une grande exposition se prépare à la Maison Rouge, l'exposition de ses peintures innombrables, avec une lecture qu'il faut signaler le 6 mars, « Je rêve que je vis », mise en scène par Xavier Marchand avec Camille Granville. Tout ça, nous y reviendrons. Merci Jacques Bonafé, vous consacriez cette semaine vos lectures au thème du froid, avec aujourd'hui un poème de Pierre Reverdy.